Divers pays ont présenté du 8 au 12 la conclusion historique du bilan des activités du comité central prononcé au 7e congrès du Parti Travail de Corée par le maréchal Kim Jong-un. Le journal bangladais Blitz, le sénégalais Le Populaire, les sites d'internet de l'Association britannique d'études de la politique de Sungun et du comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands investissements 2017 et le homepage internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections ont inséré le texte intégral ou le résumé de la conclusion avec les photos des activités de Kim Jong-un, surtout prononçant le discours au 7e congrès du parti. L'agence de presse russe TASS, le journal philippin Manila Times, la télévision centrale chinoise, l'agence de presse japonaise Jiji et les bulletins du comité national guinéen d'études du kimilsonisme Kim Jong-unisme et de l'association d'amitié Bulgarie-Corée et le homepage internet du comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-unisme aussi ont présenté cette conclusion.